Allora, per prima di sentire una corrispondenza, volevo mandarvi la testimonianza, l'intervista che ho fatto a una compagna di Parigi, compagna che segue da settembre l'assemblea femminista che si è messa in piedi a settembre, e l'ascoltiamo. Alors, donc, Carole, merci de répondre aux questions par rapport à ton expérience dans l'AG féministe qu'il y a en ce moment à Paris. Parce qu'en fait, oui, depuis début septembre, il y a des féministes qui se réunissent en AG. Et ce sont des grandes AG. Alors, je voulais en premier te demander pourquoi vous avez ressenti la nécessité de vous réunir et par rapport à quoi? E dunque gli chiedo perché hanno iniziato questa assemblea, grande assemblea, perché sono da 60 a 100 da settembre. En fait, le point de départ, c'est un peu l'affaire DSK qui a éclaté donc cet été avec ce qui s'est passé à New York, avec la plainte de Nafissatou Diallo, les soutiens qu'elle a eus, le traitement judiciaire par la justice américaine de la plainte de Nafissatou Diallo et le résultat final de l'affaire aux États-Unis, à savoir... pas de poursuite judiciaire contre Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, donc cette affaire. E dunque il punto di partenza è stata la storia di Strauss-Kahn negli Stati Uniti con il caso di Anifata Nyasu che comunque con i risultati che noi conosciamo Strauss-Kahn non è stato perseguito, voglio dire, non è stato processato per i fatti. Per DSK, noi il y a l'aspect pénale judiciaire au niveau des États-Unis, mais il y a aussi le traitement médiatique qui en a été fait et toutes les réactions qu'on a pu entendre par différents intellectuels, différents journalistes dans les médias français et dans le monde. Et en... c'è anche tutta, non solo la storia, ma anche tutto il trattamento mediatico che è stato fatto dopo, durante e dopo questa storia in tutte le media, sia in Francia che in tutto il mondo. En fait, on s'est toutes retrouvées en AG pour dénoncer tout le sexisme qui a été dit dans les médias, parti pris qui a été observé dans les médias par rapport à cette affaire. Donc, toutes les féministes qui se sont retrouvées en AG ont envie de réagir par rapport à toute cette déferlante sexiste durant toute cette affaire. E dunque ci siamo ritrovate molte a essere scioccate di come sono passate le cose e di tutto il sessismo che è stato veramente sparato dappertutto intorno a questa storia e siamo messo insieme. A cela si rajoute le retour de DSK en France qui a été un retour triomphal. Avec... A questo aggiungiamo il ritorno trionfante di DSK in Francia. Malgré qu'il soit encore poursuivi par rapport à la plainte de Tristan Manon. Et donc son... Anche se stava ancora sotto processo per la denuncia di Tristan Bannon. Retour en France a été pareil, un retour triomphal et comme si Dominique Strauss-Kahn avait été victime de quoi que ce soit. Un ritorno trionfale come se lui è stato la vittima di qualcosa. Bah, Tristan Bannon, il est accusé. Il était accusé de tentative de viol. Et sur le cas de Tristan Bannon, lui era accusato di tentativa di stupro. Oui, tout à fait. Donc voilà, en gros, l'AG a démarré en septembre. Donc ça a été l'initiative. En fait, pendant tout l'été, pendant toutes ces affaires-là, tout le monde, toutes les féministes qui sont déjà organisées en réseau, organisées en association, organisées en collectif, qui se connaissent, qui travaillent ensemble déjà depuis plusieurs années, bien évidemment, qui donc se sont activées. Et les réactions ont été telles que il y a eu une nécessité pour certaines de faire une grande assemblée générale de toutes les féministes qui étaient très réactives par rapport à tout cela. E dunque la nostra idea è stata, come molte femministe hanno reagito, l'idea era di metterci insieme tutte le femministe che comunque sono state molto reattive a questa storia e di riunirsi in una grande assemblea. Per tutte se retrouver e ensemble parler de tout ce qui s'est passé, parce que on est directement concerné dans le sens où Dominique Strauss-Kahn était quand même un candidat présidentiable pour la France les élections de 2012. E abbiamo deciso di di parlarne, perché comunque eravamo tutte dentro questa cosa, nel fatto che Dominique Strauss-Kahn era comunque preposto per essere presidente alle prossime elezioni. Demander qui vous êtes, donc tu peux dire il y a plusieurs groupes féministes. Voilà, il y a plusieurs groupes féministes donc qui viennent de différents horizons institutionnels, moins institutionnels, formels, moins formels. Tout à fait, des associations, des collectifs, des universitaires, des responsables politiques, des petits groupes, des jeunes, des plus anciennes dans le mouvement, des intellectuels, des écrivains. Alors, qui s'y était? Siamo da universi diversi, di ambienti diversi, sia istituzionali, sia meno istituzionali, alcune più storiche, alcune più giovani del movimento, alcune universitarie, alcune scrittrici, alcune del movimento. Scrivaine, des activistes, donc toutes féministes, et beaucoup aussi d'individus féministes et lesbiennes. Et des e anche molte individuali femministe e anche lesbiche e anche gruppi di lesbiche. Gruppo aussi lesbien. E come vous êtes organisé? Alors, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc ce qu'on a mis en place, c'est dès le départ vu la nécessité et la rage qu'on avait toutes à vouloir faire des actions. Très vite, l'idée est venue de poursuivre nos AG, pouvoir être influente dans les médias et dans l'opinion publique en France. Come vi siete organizzate? Avevamo così tanta rabbia che ci siamo detto che dovevamo reagire subito. Abbiamo deciso di essere presente nelle media e di farci vedere. Por alla denunciation des agressions sexuelles, des violences faites aux femmes. Et nous avons toutes analysé les choses comme quoi l'affaire DSK était fonctionnait un peu comme un symbole. E comunque reagire e fare conoscere le violenze sessuali, gli stupri, le violenze contro le donne. E siamo state tutte d'accordo sul fatto che il caso DSK comunque funzionava come un simbolo. De tout ce qui nous débecte dans la non prise en compte des violences faites aux femmes par les politiciens. E di tutte le cose che ci fa vomitare dalla non presa in considerazione di questa cosa dai politici. Banalisation des violences, impunité des agresseurs et des violeurs, loi du silence, les axes également, l'idée que les violences faites aux femmes sont traversées aussi par les rapports de domination entre classes. Banalizzazione, legge del silenzio, anche l'idea che questa cosa delle violenze è incrociata con le classi, les rapports de domination i rapporti tra razze. On connaît cet argument que c'est sans doute les méchants immigrés qui sont très violents. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit aussi en AG, c'est que... C'est ce qu'on appelle une instrumentalisation à usage raciste des violences faites aux femmes. Lì si parla dell'instrumentalizzazione a uso racista della violenza contro le donne, dicendo che sicuramente i migranti sono sicuramente più violenti che gli altri. Voilà, très vite on s'est posé la question de savoir si DSK n'était pas DSK, est-ce que les affaires et les plaintes auraient été traitées de la même manière? Sûrement que non, parce que DSK reste un homme puissant, blanc, riche et... ultra dominant sur la planète. Ci siamo detto subito che comunque se il tipo non era DSK, come lui è bianco, potente, ricco, il caso non sarebbe trattato dallo stesso modo. E che se ça avait été un jeune issu des banlieues, comme se era traitement aurait été judiciaire, un giovane dalle periferie, la giustizia avrebbe fatto qualcosa d'altro. Comment vous êtes organisé? Donc il y a eu cette partie d'analyse. Oui, donc on s'est toutes retrouvées quand même sur les mêmes analyses. Ouais. Et donc ensuite, on a décidé donc de poursuivre nos assemblées. Donc on a essayé de faire un fonctionnement qu'on voulait qui ressemble un peu à notre mouvement, qui était un mouvement avec des différentes tendances. E dunque c'è stato questo momento di analisi e poi abbiamo deciso di fare azioni che assomigliava a chi eravamo, alle diverse diversità che eravamo. Per cela on a décidé de mettre en place des rôles et de donner des mandats à des personnes pour organiser certaines choses, et ces mandats tournent. Donc à chaque fois on désigne des personnes qui prennent les tours de parole, on désigne les personnes qui préparent l'AG, on désigne des personnes qui font les comptes rendus d'AG. Et aussi, au niveau de l'AG, ensuite, pour avancer plus vite, on a adopté un fonctionnement en commission. Donc, et à niveau organisatif, ci siamo dati dei ruoli, chi organizza l'AG, chi la gestisce, poi chi fa il report, poi abbiamo fatto delle commissioni. On a mis en place une commission action, qui propose des actions un peu plus coup de poing que juste les manifs ou les trucs plus conventionnels qu'on a l'habitude. La commission action propone delle azioni un po' più di colpo, più diciamo blitz che les manifestations traditionnelles. On a mis en place une commission média-presse, pour avoir un discours cohérent face à la presse. Abbiamo messo una commissione media e stampa, in modo di avere un discorso coerente verso les media. Et entendable. On a mis en place une commission flyer, banderole, matériel. On a mis en place une commission texte. Abbiamo messo in posto una commissione flyer, striscione e una commissione test. Là, certaines essayent d'élaborer un texte de fond qui ensuite pourra servir de matrice à notre acte, de support à toutes nos interventions et à tous nos moyens de diffusion. E dunque abbiamo anche deciso di fare un testo che servirà di matrice alle nostre azioni. Allora racconto, visto che siamo un po' in ritardo, racconto il seguito dell'intervista in cui gli ho chiesto che azioni hanno fatto. Sono intervenute in diverse situazioni, soprattutto nei discorsi dei futuri candidati alle prossime elezioni, soprattutto con due volte, una volta con Martine Aubry, una volta verso François Hollande, ogni volta entrando nel e prendendo parole nel pubblico, lanciando dei manifesti, mettendo delle striscione per chiedere ai candidati di prendere posizione su l'impunità degli aggressori sessuali. E poi si parla di loro, di questa assemblea femminista che partecipato alla manifestazione di sabato scorso e se pronto? Sì, Carol. Sei Carol. Ciao Carol. Ciao. Sei in diretta su Radio Onda Rossa. T'es en direct sur Radio Onda Rossa, eccomi. Et donc, je voulais te demander qu'est-ce qui s'était passé samedi à la manifestation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Volevo chiederti che è successo sabato alla manifestazione, se puoi raccontarci un po'. Alors, à la manifestation samedi dernier, on était plusieurs milliers, entre 5 et 6 000 manifestants et manifestantes. Dunque alla manifestazione eravamo tra 5 e 6 mila di manifestanti e manifestante. On a défilé dans Paris pendant 3 heures. On a fait plusieurs quartiers, dont des quartiers assez au cœur de Paris. Abbiamo fatto i quartieri del centro, il corteo ha durato quasi 3 ore. C'était un ensemble d'organisations politiques qui ont appelé à la manifestation. C'était organisé d'abord par le collectif national Droits des Femmes qui a lancé l'initiative et ensuite plusieurs collectifs féministes se sont joints à la manif et ont signé l'appel, ainsi que des partis politiques et des syndicats. Dunque la manifestazione è stata lanciata dal Collettivo Nazionale per i Diritti delle Donne e poi sono stati molti adesioni di o associazioni anche di partiti politici. Donc c'était une manifestation contre les violences faites aux femmes. Manifestazione contro le violenze alle donne. Habituellement cette manifestation a lieu le 25 novembre, à la fin du mois, à l'occasion de la journée nationale contre les violences faites aux femmes. E da solito si fa il 25 novembre all'occasione della giornata internazionale contro le violenze alle donne. Mais cette année, l'idée était de faire une manif à une autre date parce que les événements qui ont lieu dans le cadre de la semaine du 25 novembre sont de plus en plus institutionnels. Et donc l'idée, c'était de faire une manifestation plus militante qu'à l'habitude en changeant la date et pour marquer le coup. E dunque volevamo fare un colpo un po' perché comunque da solito il 25 novembre è di più istituzionalizzato e questa volta volevamo fare una manifestazione molto più militante e dunque fare qualcosa un po' altro. Donc les revendications, c'était demander plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, avec notamment une loi cadre contre les violences du type de celle qui a été promue en Espagne. Le rivendicazioni sono state, excuse-moi, j'ai perdu il fil, una legge quadro come è stata fatta in Spagna e anche più di strumenti per lottare e di, come si dice, e di, vabbè, di cose, soldi, diciamo, per lottare contro la violenza fatta alle donne. Donc, on était plusieurs milliers, il y avait plusieurs tendances du féminisme et de l'extrême gauche de représentées. Et au niveau du féminisme, il y avait notamment la Marche mondiale des femmes, le Collectif national des femmes, le mouvement pour le planning familial, les collectifs d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales, la Fédération nationale Solidarité femmes. Il y avait donc l'AG féministe et lesbienne et d'autres petits groupes, plus le Front de gauche comme parti politique, les syndicats Sud Solidaire. E dunque, dal lato, dunque, c'erano, dunque, eravamo migliaia, e c'erano dal lato femminista c'erano la marcia mondiale, c'erano il collettivo nazionale per le donne, c'era il collettivo Donne Solidarietà, c'era il collettivo delle Planning Framiliane, che sono diciamo i consultori, c'era anche i centri antiviolenza, verso la sinistra, diciamo estrema sinistra, c'era il fronte di sinistra. Ok. Globalement, en bilan, on peut dire que la manif a été un succès parce que déjà, il y a eu beaucoup de monde par rapport aux années précédentes, quand les manifs du 25 novembre, les années passées, regroupaient que quelques centaines de personnes. Là, on a vraiment multiplié le nombre de participants. Donc, à ce point de vue-là, c'était un succès. Ho anche dimenticato che c'erano anche molti piccoli collettivi. Poi, se si fa un bilancio, diciamo che questa manifestazione a livello di numero è stato proprio un successo perché rompeva con questa tradizionale manifestazione del 25 novembre in cui 200-300 sono il numero dei partecipanti, dunque su questo livello è stato un successo. La manif était aussi dynamique et très vivante, avec des cortèges, avec beaucoup de slogans, des slogans différents, qui tous parlaient des violences et dénonçaient les viols. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie dans les cortèges. La manif era anche molto dinamica e molto vivace, con dei slogan che denunciava gli stupri e le violenze, e anche slogan che non avevamo mai sentito. T'as des exemples? Un slogan qui t'a marqué? Nous ne nous tairons pas, le viol est un crime, brisons la loi du silence, Non saremo d'escapart zitte. partout, justice nulle part. Non saremo zitte, lo stupro è un crimine, diesca dappertutto giustizia da nessun parte. Ok. Bon, c'était très axé sur les violences et du coup, suite à l'affaire de DSK qui a beaucoup ébranlé l'opinion publique quand même en France, puisqu'il a quand même failli être président du pays, et avec toutes les retombées qu'il y a eu des suites avec l'affaire de Tristan Bannon et maintenant l'affaire du Carlton de Lille où il est impliqué en tant que client de prostituées. Par l'intermédiaire de policiers pourris et d'élus locaux sur l'île. L'affaire a fait beaucoup de bruit dans les médias et l'opinion est bien marquée par ce scandale. C'è l'opinione pubblica che comunque è stata molto scioccata dalla vicenda sia negli Stati Uniti sia sul caso di Tristan Bannon in Francia, sia sull'ultima cosa di aver saputo una settimana fa che Desca era anche presa in una rete di prostituzione essendo complice di poliziotti e diciamo rete di tratta a Lille. E dunque l'opinione pubblica è molto pronta a questa manifestazione. Et en fait, on sent bien que on a bien senti samedi que qu'il y avait bien cette colère par rapport à cette affaire de DSK qui était dans l'esprit de tout le monde, de tous les participants à la manif et que c'était une des raisons pour lesquelles les gens étaient quand même descendus nombreux dans la rue ce jour-là pour dénoncer les violences faites aux femmes. Même si c'est des revendications qu'on défend tous les ans, on a senti une différence au niveau de la rage, des slogans et de l'urgence à parler et à dénoncer les violences masculines. Et donc, si è sentito molto questo nella manifestazione, che c'era molto rabbia, cioè, anche se noi comunque ogni anno, ma anche sempre, stiamo denunciando la legge del silenzio, stiamo parlando delle violenze sulle donne, questa volta si è veramente sentito che c'era una rabbia collettiva. Carole, on est assez en retard, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu veux dire maintenant qu'on a à peu près tout dit? Oui, on peut dire qu'on a eu une très bonne couverture médiatique de la manifestation. On est passé au JT du 20h sur TF1 et France 2. Et ce qui est très très rare de voir des manifs féministes passer dans ces médias-là à une heure de si grande écoute. Et ils ont été présentés la manif en parlant de militantes et de militants féministes qui dénoncent les violences faites aux femmes. Tel quel dans le JT du TF1 et du France 2 et on est donc très contente de cette couverture médiatique. Sì, la cosa che posso dire è che c'è stata proprio una bella copertura mediatica sia sui canali ufficiali, questa cosa che è molto rara. Io ho aggiunto che mi sa che l'ultima volta era 94 quando c'era una manifestazione per difendere l'aborto. E, dunque sì, sono state intervistati militanti e militanti femministe come tale e questa cosa, queste voci da solito non si sentono. Alors je pense qu'on va arrêter là, je te reprends dans 3 minutes, mais on va laisser la place aux copines qui vont faire le GR. Donc ci fermiamo qua perché c'è il GR e ci salutiamo e grazie. La lutte continue. La lotta continua. Bye bye. Bye bye.